Le rideau bleu. Devant le miroir de la salle de bain, retenant ses cheveux d'une main, Nat s'applique à placer sa deuxième boucle d'oreille. Je suis déjà prêt depuis un moment. J'ai dû passer la douche en premier, car je n'ai pas eu l'autorisation d'y accompagner Nat. Tu comprends, on risque de craquer, et peut-être vaut-il mieux garder un peu d'énergie pour tout à l'heure. Le ton est faussement impersonnel, destiné tout autant à me taquiner qu'à m'exciter. La deuxième boucle d'oreille est en place, elle fait bouffer sa crinière blonde et m'observe dans le miroir alors que je m'appuie de l'épaule au chambranle de la porte. Je préfère que l'on garde nos distances. Je dois me mettre en condition pour me remettre dans l'ambiance, comme si j'y allais seul. Ah, parce qu'il faut des conditions particulières. Son regard bleu, tantôt doux, tantôt perçant et inquisiteur, lit en moi à livre ouvert. Elle sait parfaitement ce que je ressens, tout à la fois nerveux, excité et impatient. Sa voix est sucrée miel. En fait, j'ai omis de te préciser certains détails. Les couples y sont admis, mais le Blue Velvet est surtout fréquenté par des célibataires, et pour te faire découvrir comment ça se passait, lorsque j'y allais seul, on entrera séparément. D'un regard en coin, elle s'assure que je ne suis pas en mode panique à l'idée de la considérer comme une étrangère. Donc, je rentrerai la première et serai sans doute immédiatement interceptée, invitée à prendre un verre, ce que je ne pourrais refuser. J'évincerai ensuite poliment le monsieur et irai m'asseoir seul au bar. Il faudra que tu guettes l'instant pour venir me rejoindre, faute de quoi tu risquerais de te faire griller la politesse, c'est là. Je ne pourrais tout de même pas refuser mes faveurs à tout le monde. Dans les intonations de sa voix, je détecte certes une part de provocation, mais je la sens surtout très excitée. Ma pomme d'Adam joue les ascenseurs. Je ne sais plus si elle me taquine ou si elle est sérieuse. La douche irlandaise. Elle rit, vient vers moi, passe ses bras autour de mon cou et m'embrasse tendrement. Ses yeux ont retrouvé toute leur douceur. John, relax. Je ne résiste jamais au plaisir de te taquiner, mais à propos, je crois bien que tu as oublié quelque chose qui serait parfait pour débuter cette soirée. Ses sourcils se froncent. Elle se retourne, retrousse sa robe, dévoilant ses adorables fesses déjà dorées par le soleil de Floride. Je n'ai toujours pas eu la fessée promise. Elle se cambre. Doucement quand même. Tu sais que pour ça aussi, je préfère la tendresse. Comment résister? Je me place sur le côté et maintenant d'une main sa robe retroussée, je donne trois petites tapes sur ses rondeurs qui rougissent aussitôt. À chaque coup, elle pousse un petit gémissement. L'excitation monte très vite et il est préférable de ne pas poursuivre le jeu. Je relâche sa robe qu'elle abaisse aussitôt, cachant les fossettes jumelles de celles de ses joues. Je la fais pivoter, la serre contre moi. Je dois bien l'avouer, mon impatience grandit avec l'heure qui passe, et dire qu'il y a 2 mois, ma libido était totalement cadenassée. Elle passe sa main dans mes cheveux, caresse ma joue, son regard est si tendre. J'en suis heureuse. Je veux dire, pas que ta libido ait été verrouillée, mais que tu aies ses désirs en toi. En retournant avec toi dans ce bar, je vais t'offrir une part de moi que tu ne connaissais pas. Je n'oserais même pas te dire à quoi je pense en ce moment tellement c'est érotique. Je crains d'avoir un orgasme là sur place, si on en parle encore. Elle se serre amoureusement contre moi. Ces 3 dernières années, quand je venais seul à Miami et que je me préparais pour aller au Blue Velvet, j'étais très excité, mais jamais comme ce soir. C'est sans doute de savoir que nous allons être tous les deux devant un mouchard à biais qui me met dans cet état. Un mouchard à biais. Oui, c'est une... Pardon de t'interrompre. Je suis né en Tunisie, donc je sais ce qu'est un mouchard à biais, mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'il vient faire dans ce contexte. Elle prend son air mystérieux. Comme on pourrait le deviner, le mouchard à biais se trouve dans le salon oriental du Blue Velvet. C'est l'open space dont je te parlais. Un décor de rêve très romantique, donc très demandé et soumis à réservation payante. C'est le seul endroit payant du Blue Velvet avec les 3 loges qui donnent sur ce salon dont elles sont séparées par ces dentelles de bois. J'ai sans doute l'air agité. Relax. J'ai déjà réservé les loges et le salon. Toutes les loges, oui. Pour être sûr de ne pas avoir d'admirateurs que nous n'aurions pas choisis. Je la regarde, perplexe, ébahie même. Tu es une vraie diablesse. Elle fait ses yeux de chat et se passe la langue sur les lèvres. Dès qu'il s'agit de sexe, tu n'as pas idée. Cette fois, c'est moi qui ris. Je crois quand même en avoir déjà eu quelques aperçus. Mais dis-moi, tu as l'air de bien connaître ce salon. Rire amusé, fossette d'ange du petit démon qui n'aime rien tant que me retourner sur le grill. C'est ce dont je t'ai parlé. Je le connais pour l'avoir utilisé avec un monsieur la dernière fois que j'y suis venu. » Pour ne pas changer, je bafouis. « Tu veux dire que tu étais dans le salon oriental avec un homme et que d'autres personnes étaient derrière le moucharabien ?»« Oui, peut-être. » Je fronce les sourcils. Je ne comprends plus. « Oui ou peut-être ?»« Oh, je veux dire oui. Je suis bien resté pendant une heure avec un homme dans le salon et peut-être y avait-il des gens qui nous regardaient ?»« Je suppose que oui. Mais étant donné qu'on ne peut pas les voir, on ne peut que le supposer. » La seule évocation de la scène lui a mis le feu aux joues, au cou et à la poitrine. Elle inspire un grand coup et poursuit. Le salon est un petit bijou de décoration. À peine entré, c'est comme si tu venais d'être transporté par un tapis magique. Je la prends par la taille. Tente une incursion vers la rondeur d'un sein. Un rire, un mouvement souple et elle échappe à mon bras. Il faut que je finisse de me préparer et que je me maquille un peu. Je lui fais un bisou derrière l'oreille. « Ok, je te laisse finir. » Je sors de la salle de bain et m'assieds dans le fauteuil à côté du lit où j'ai posé ma veste de lin. Un geste machinal pour vérifier si ma cravate est correctement nouée. Je ferme les yeux et... Je reviens à hier soir. Il est près de 20h lorsque nous rentrons de Melbourne. Nat a commandé un repas chinois que nous dévorons près de la piscine tant nous avons faim. Elle doit connaître à peu près tous les traiteurs de Miami et comme les autres, celui-là est parfait. Du rouleau de printemps au porc au caramel. Repu, nous restons un petit moment dans les transats parlant de choses et d'autres, mais surtout de notre projet africain. C'est moi qui le premier évoque la soirée au Blue Velvet. Comme je m'inquiète de ce que je devais mettre demain, Nathalie sursaute portant la main à sa bouche. « Mon Dieu, j'allais oublier de m'épiler. » Je suis plus que surpris. « T'épiler ? » ?»« Que peux-tu bien vouloir épiler ? Tu n'as rien. » Elle rit. « Si, mon duvet, comme tu l'appelles. Ton duvet. Oui, tu sais bien. » Je reste bouche bée. Il n'y a pratiquement rien. C'est vraiment juste un duvet et blond de surcroît. Je suis bien d'accord. Mais il y a un article de la charte du Blue Velvet qui précise que tous ceux qui passent le rideau bleu doivent être parfaitement épilés. Il n'y a aucune exception possible. Y compris les hommes. Oui, tout le monde. Je m'étonne. C'est vraiment étrange comme exigence. Mais on peut s'en passer. Personne n'ira vérifier. Elle fait une petite moue, matinée d'un regard en coin. Rien n'est moins sûr. Tu sais, dans ce lieu de perdition, tout peut arriver. À l'évocation de ce qui pourrait arriver, je réagis d'une façon aussi incontrôlable qu'inattendue et ça se voit. De toute façon, à partir du moment où tu franchis le rideau bleu, cela signifie que tu es susceptible de consommer. Tu es donc tenu de te conformer à la règle. Elle rajoute, un peu confuse, c'est par mesure d'hygiène. Mais le rasoir, ce n'est pas raisonnable. Tu risques de t'irriter, même de te blesser. Je réalise tout à coup que je suis aussi concerné. Moi aussi d'ailleurs. Encore ce sourire qui me fait craquer. Des fossettes comme celle-là devraient être interdites. Il doit bien me rester quelques bandes de cire dans mon kit de voyage. J'essaie maladroitement de froncer les sourcils. À croire que tu avais prémédité ton crime. Les deux fossettes se creusent un peu plus et le sourire devient ravageur. Si crime il y a, n'oublie pas que tu es mon complice. Tu voudras bien m'aider. J'en ferai autant pour toi, et ne t'inquiète pas pour les irritations et les rougeurs. Mon kit comprend aussi une crème miracle. Quelques bandes de cire plus tard, le petit duvet blond que j'aime tant a disparu, et j'ai le privilège de me soumettre à mon tour à ses mains expertes. Elle m'explique que le baume anti-rougeur est un onguent indien utilisé par les Shoshones du Nevada. Je n'y croyais pas trop, mais force est de constater que ce baume est miraculeux, pas la moindre irritation. Le lendemain matin, tout juste réveillé, je dépose un bisou à l'entrée du temple. La peau y est aussi lisse et douce qu'au jour de sa naissance. Elle est mourive, ma tignasse. Ce bisou va être notre porte-bonheur pour ce soir. Et riant comme une petite folle, elle court se barricader dans la salle de bain, lançant par-dessus son épaule. Du moins, je l'espère. Je ne voudrais pas que tu sois déçu. Plus tard, très sagement, nous sommes allés passer quelques heures à la plage. Le temps était clair avec une légère brise et la mer si bleue que c'en était irréel. Lorsque Nathalie est venue me rejoindre après s'être changée, je crois bien que même les vagues ont cessé de rouler sur le sable. Tout s'est arrêté. Je suppose que seul le fait d'être sur une plage privée peut l'autoriser à porter un tel maillot, ou plutôt une telle esquisse de maillot. La première fois, quand elle s'était blessée en jouant au volet, elle portait un une-pièce brésilien. Sur la plage des Keys, je ne me souviens pas l'avoir vu autrement que nu. Aujourd'hui, c'est un maillot comme je ne me doutais même pas qu'il pouvait en exister, qui le rempart à sa pudeur. Mais est-elle seulement pudique? Non, elle aime qu'on la regarde, que je la regarde. Elle aime qu'on la désire, que je la désire. La couleur des quatre minuscules pièces de tissu qui le composent peut se définir comme bleu fluo. Elles ne tiennent que par deux lacets, plus pour le soutien-gorge, un très fin cordon passé derrière le cou. Il n'est guère besoin d'une longue réflexion pour constater que ce sont les seins qui tiennent le soutien-gorge et non l'inverse. Plus bas, un examen attentif permet de vérifier que la séance d'épilation de la veille était une nécessité. Aucun duvet, aussi ténu soit-il, ne pourrait prétendre se dissimuler sous le minuscule triangle de tissu pas plus large que deux doigts. Au moment où elle s'allonge près de moi, je retrouve d'un seul coup l'usage de mes sens pour l'entendre me dire « Ne sois pas inquiet, personne ne va venir me passer les menottes. Nous sommes sur une plage privée, où le port de ce genre de maillot est autorisé. D'ailleurs, une pancarte à l'entrée en informe la clientèle. Tu vois, même le string est permis. » Et elle me désigne du menton le joli postérieur d'une dame à quelques pas de là. Puis, sans transition et sans doute pour m'éviter une inconfortable situation m'obligeant à adopter une inconfortable position, Nathalie se lance dans une révision des principaux points de notre future mission africaine. C'est étrange. J'ai beau essayer de m'en persuader, mais j'ai peine à admettre que dans la femme de rêve qui me parle se cache une scientifique titulaire de deux doctorats. Il va me falloir faire appel à toute ma volonté pour obliger mes yeux à ne regarder que les siens. Ce soir, je l'ai aidée à s'habiller. String noir pour seul sous-vêtement, puis robe de maille stretch bleu nuit tramée de fils d'argent. La robe est au-dessus du genou, bras nus, largement épaulé. Ce vêtement si souple qu'il épouse parfaitement son corps a entièrement été conçu autour du décolleté et ce chef-d'œuvre glamour offre davantage qu'il ne cache les deux plus beaux seins dont on puisse rêver. Le bruit des talons sur le carrelage me tire de ma rêverie. J'ouvre les yeux, l'émotion est si forte que ma vue se brouille. Son sourire se fige, elle se précipite, s'assied sur mes genoux et me serre convulsivement de toutes ses forces. « John, pour l'amour du ciel, qu'y a-t-il ? » J'ai la gorge serrée et mets quelques secondes à lui répondre. « Je pensais à toi. » J'avais les yeux fermés et puis je les ouvre et tu es là, si belle. Mon cœur est bien trop petit pour contenir tout l'amour que je ressens pour toi. Et alors même que j'ai de sang chaud et vivant tout contre moi, c'est toujours mon éternelle question. Je me demande si tu es bien réelle. L'émotion la gagne à son tour. Elle me gronde. Tu m'as fait si peur, John. Je sais qu'il y a tant d'amour en nous que parfois ça déborde, mais... Elle renifle, puis s'essuie le nez. J'ai cru que tu étais malheureux à cause de cette soirée que... Je l'interromps. Malheureux? Certainement non. Comment pourrais-je l'être alors que je vais faire un voyage dans ton passé et connaître ce que tu as pu vivre? Chaque fois que tu le partages avec moi, je sens que nous fusionnons encore davantage. Nathalie couvre mon visage et mes lèvres de petits baisers très doux. John, je pourrais à mon tour me demander si tu es bien réel. De toute façon, sache que ce soir, je vais faire en sorte de te faire vivre une des plus belles soirées de ta vie. Elle se lève et m'aide à m'extirper de mon fauteuil. Allez, n'oublie pas ta veste. La voiture doit déjà nous attendre. Elle prend son boléro, sa pochette et pousse un petit cri. Je l'ai prise dans mes bras et me dirige vers l'escalier. Quelques marches et quelques bisous plus tard, je la dépose dans le hall. La limousine nous attend, portière ouverte. À l'arrière, une immense banquette de cuir nous accueille. La vitre de séparation est fermée et Nathalie donne l'adresse par l'interphone qu'elle remet aussitôt en mode réception. La longue voiture s'ébranle en silence et par les larges vitres teintées, les lumières et les bruits de la ville nous parviennent tamisés et ouatés. Je me rapproche de Nat, l'enlace, écarte ses cheveux et doucement l'embrasse derrière l'oreille, un des endroits les plus sensibles de son corps. À travers le tissu moulant de sa robe, je vois ses tétons durcir. « John, ce n'est pas raisonnable. Si tu continues à m'exciter comme ça, je vais sauter sur le premier mâle que je vais trouver au bar sans avoir la patience de t'attendre. »« D'accord, tu as raison, je me calme. » Ses yeux redeviennent très doux. Elle prend ma main et embrasse le bout de mes doigts. « Je t'aime, John. Tu es une des rares personnes à aimer mes taquineries. » Je fronce les sourcils. « Une des rares personnes. Aurais-je des raisons d'être jaloux ? » ?»« Rappelle-moi de demander à Béatrice si tu dois être jaloux d'elle. » Pendant notre petit échange, la limousine a déjà quitté Little Havana et malgré l'ambiance nocturne, je reconnais les immeubles de South Beach. Nathalie serrée contre moi, le nez contre la vitre, je cherche à me repérer pour situer l'endroit où elle nous amène. Elle tient ma main dans la sienne. Nous ne sommes plus très loin. Tu verras, ce n'est pas très grand et c'est très cosy. On s'y sent tout de suite à l'aise. Et même si ce n'est que pour boire un verre, c'est l'endroit le plus agréable que je connaisse, entre club anglais et bar américain. Ce n'est peut-être pas très grand, mais il doit quand même falloir pas mal de place pour les salons privés et l'open space dont tu m'as parlé. Oui, il y en a, mais je parlais du bar proprement dit, avec une douzaine de tables et des canapés autour d'une piste de danse grande comme un mouchoir. C'est vraiment tout petit. Les espaces câlins sont séparés du bar par un grand rideau de velours bleu, d'où le nom de l'établissement. Je passe par un kaléidoscope d'émotions. L'amour qui me donne envie de la prendre dans mes bras, de rester blotti contre elle, de rester là sans bouger à écouter son souffle et les battements de son cœur, à respirer son odeur. L'excitation qui fait que je n'ai pas assez de mes deux mains pour la caresser. Et puis, sous-jacente, une part de nervosité dans l'attente d'une situation que je n'ai jamais vécue et que j'attends avec une impatience que je n'ose m'avouer. Je demande à Nathalie, quel genre d'homme choisissais-tu ? Elle n'a guère besoin de réfléchir longtemps. Eh bien, ça dépendait des hommes présents. Mais en général, ils étaient grands, minces, la quarantaine, le cheveu poivre et sel, gentlemen et cultivés. Elle rit, puis ajoute avec une moue très sensuelle. C'est fou, ça m'excite de parler de ça. Mais à quoi penses-tu ? Tu as l'air bien songeur. Je pense à notre rencontre à Paris, à notre premier dîner au restaurant. Ses yeux brillent dans la pénombre. C'est vrai. J'avais très envie de toi lorsque je t'ai fait un bisou pour te dire au revoir avant de monter dans l'ascenseur. Mais c'est différent. J'étais déjà amoureux sans le savoir. Alors qu'avec ces hommes de rencontre, hormis une certaine tendresse, je n'ai jamais rien éprouvé de tel, que ce soit à Miami ou à Paris. Mais, mon Dieu, on est arrivé. Je crois que j'ai un peu peur. Je ne sais plus. Je prends son menton entre le pouce et l'index. Regarde-moi, Nat. Si tu as la moindre hésitation, on prend un verre et on s'en va. Mais si tu te sens bien, sache que tu tiendras mon cœur dans ta main. Son regard n'a jamais été aussi amoureux. On va laisser faire le destin. Tu seras dans mon cœur chaque seconde. Je t'aime. Je t'aime, Nat. Le chauffeur vient d'ouvrir sa portière et l'aide à s'extraire de la profonde banquette de cuir. Je crois que son regard a dérapé une seconde quand Nathalie a posé un pied par terre, alors que l'autre était encore à l'intérieur. Même s'il se demande si elle porte ou non une culotte, il reste impassible lorsqu'elle lui donne les instructions pour nous récupérer tout à l'heure à la sortie. Je lui ai dit de ne pas trop s'éloigner, car nous ne savons pas du tout combien de temps nous allons rester. Elle me prend par la main et m'entraîne vers l'entrée gardée par un homme en smoking à la carrure impressionnante. Il demande courtoisement à voir nos cartes. Nathalie s'exécute et l'informe. « Monsieur m'accompagne, c'est pour une cooptation. » L'homme s'efface, parle quelques secondes dans un interphone mural. Une voix féminine lui répond et il nous ouvre la porte. « Ma collègue vous attend. Elle va vous conduire. Excellente soirée, madame, monsieur. » Un couloir à l'éclairage diffus au bout duquel une jeune femme en tailleur très strict mais élégant nous attend. « Bonsoir. Bienvenue au Blue Velvet. » Elle ouvre une porte sur le côté et nous fait entrer dans un bureau à la déco plus que cossue. Rien qu'à voir la qualité des meubles et l'étoile accrochée au mur, j'imagine déjà le prix de la moindre consommation. Nathalie me l'a bien précisé, à part la location du salon oriental et des loges, il n'y a aucune cotisation ni aucun droit d'entrée. Tout est parfaitement rodé comme si nous étions attendus et quelques 10 minutes plus tard nous ressortons. La jeune femme nous ouvre la porte du bureau, nous souhaitant une excellente soirée. Dans la poche de ma veste, une carte provisoire de membre et un exemplaire de la charte que je viens de signer. Comme convenu, pour que nous n'entrions pas ensemble, Nathalie s'est discrètement éclipsée aux toilettes juste en face du bureau que nous venons de quitter. Avant que la porte ne se referme, elle me donne un tendre bisou. « Je t'aime, John, de toute mon âme. Merci d'être cet homme merveilleux et de m'offrir ce moment. » Elle m'a parfaitement décrit l'endroit et je m'oriente sans aucune hésitation. Sur la droite, un bar au comptoir d'acajou derrière lequel officie un barman en chemise à jabot et nœud papillon. Sur les tabourets du bar, trois hommes seuls et deux couples en grande conversation devant un verre. Un ou deux mètres plus loin, le long du bar, quelques tables basses et des banquettes en demi-lune presque toutes occupées. Au centre de cet espace, une petite piste de danse où quelques couples étroitement enlacés se laissent porter par le rythme d'une musique langoureuse. Au fond, juste en face, un peu dans la pénombre, disposées le long du mur, de profondes banquettes de cuir encadrent quelques tables basses. Un homme seul y est nonchalamment installé devant un verre. À gauche, le grand rideau de velours bleu auquel l'établissement doit son nom et qui dissimule l'entrée du paradis. Comme Nathalie me l'a recommandé, je vais m'installer à l'opposé de l'entrée sur un tabouret tout au bout du comptoir, d'où j'ai une vue sans angle mort sur l'ensemble des lieux. Il y a peut-être une vingtaine de personnes, dont un bon quart d'hommes seuls. Nathalie va avoir l'embarras du choix pour sa diversion. Sourire éblouissant du barman. Je n'ai jamais vu de dents si blanches. Elles ont dû lui coûter une fortune. Monsieur prendra. Je demande une vodka orange avec une demi-dose de vodka. Je tiens à garder l'esprit clair. Le virtuose du shaker part exécuter ma commande et 2 minutes plus tard revient la déposer devant moi. J'ai donc eu tout le loisir de faire un tour d'horizon. A priori, pas de dame seule. Il n'y aura donc que Nathalie qui ne le restera sans doute pas longtemps. Mais que peut-elle donc faire depuis le temps? Elle a peut-être rencontré quelqu'un dans le couloir. À l'instant précis où je me pose cette question, elle fait son entrée et reste immobile sur le seuil. D'un seul coup, elle repousse l'espace. C'est la première fois que je la vois ou suis censé la voir comme une inconnue. Rue d'Onou, au moment où nous nous sommes rencontrés, ce n'était déjà plus une inconnue, même si c'était la première fois que je la voyais. Deux petits mots pleins de douceur avaient déjà ravi mon cœur, et dans le froid de cette fin de journée parisienne, deux yeux bleus cherchaient les miens. Là, maintenant, elle ne me regarde même pas, comme si j'étais transparent. La magnifique créature blonde qui vient d'entrer a littéralement figé tous les occupants du bar, jusqu'au barman, qui semble confondre main droite et main gauche, et qui laisse échapper un verre à whisky. Le bruit du verre qui se brise et le clap qui fait repartir le temps. Tous ces personnages figés s'animent à nouveau, avec sur les lèvres un sourire énigmatique à rendre jalouse la Joconde. Nat se dirige à pas lents vers l'extrémité du bar opposé à celle où je me trouve. Nous sommes donc face à face. Avec une élégance de déesse, elle se hisse sur un tabouret et s'assied sans un regard, ni pour moi ni pour quiconque. Toujours sans me regarder, elle m'adresse directement les petits signes convenus qui signifient « Je croise les doigts, mais tout va bien, même si je suis morte de trouille. J'attends qu'un gentleman... » Je n'ai pas le temps d'achever la traduction de ces gestes de connivence que l'homme qui était assis seul de l'autre côté de la piste vient s'incliner devant elle. Élégante façon de lui demander la permission de lui tenir compagnie et de lui offrir un verre. Il a été d'autant plus rapide qu'il a été discret. Peut-être était-il déjà debout à l'instant où Nathalie est entrée, je ne sais. Toujours est-il qu'il vient de couper l'herbe sous le pied de quelques concurrents dépités. Même Nathalie a l'air surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'un homme l'aborde si vite. Je vois ses lèvres remuer, mais je n'entends pas ce qu'elle dit. Son magnifique sourire, accompagné d'un petit geste de la main, vaut toutes les réponses du monde. Le gentleman a décroché le droit de passer le second test, celui de la conversation. Cet homme est le portrait vivant de celui que Nathalie me décrivait il y a une demi-heure dans la limousine. Il se penche vers elle. L'élégant baise-main le fait grimper d'encore quelques points sur l'échelle de la séduction. Il semble que le prétendant coche toutes les cases. C'est exactement l'homme qu'elle m'a décrit. Grand, mince, la quarantaine grisonnante, etc., etc. À la façon dont ils se regardent et dont ils se parlent, ce serait à croire qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils se sont donné rendez-vous. Il n'en est rien. Ce n'est pas possible, elle me l'aurait dit. Pour me donner une contenance, je décide de récupérer l'attention du barman qui vient de servir Nathalie et son nouvel ami. Je commande un deuxième cocktail. Sans m'en rendre compte, la bouche tout à coup très sèche, j'avalais mon verre d'un trait. Heureusement, je n'avais demandé qu'une demi-vodka. Les minutes s'écoulent et à quelques 5 mètres de moi, la conversation de laquelle ne me parvient qu'un murmure se poursuit entre la magnifique jeune femme et l'élégant monsieur. Nat semble conquise. Son attitude s'est nettement décontractée et je retrouve le sourire que je lui connais bien, celui qui vous met tout en même temps à l'aise et KO en quelques secondes. J'entends même son discret rire de charme. En plus d'être élégant, son nouvel ami la fait rire. Tout est donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes, sauf que je ne sais plus trop s'il va se décider à les conduire pour que je puisse la rejoindre. Une gorgée de vodka orange, j'achève de me décrisper. L'effet de l'alcool, pas seulement. Voir Nathalie souriante et détendue m'enlève le poids que j'avais sur la poitrine. Je redoutais tant qu'elle soit abordée par un lourdeau qui nous gâche la soirée, mais je n'avais pas prévu qu'elle rencontrerait Don Juan. Un des couples de danseurs quitte la piste et revient s'asseoir à l'une des tables non loin de moi. Il y a une banquette libre, à côté. Je décide d'aller m'y installer. Ce sera nettement plus confortable que ce tabouret. Je prends mon verre, mais trop tard. Nathalie et son cavalier viennent de se lever, une main sur la taille. Déjà, elle se laisse guider vers la banquette où j'allais m'asseoir. Il s'installe à moins de 2 mètres de moi. J'ai l'impression que je pourrais les toucher en tendant le bras. Discrètement, masquant son geste par sa pochette qu'elle pose près d'elle, Nathalie, sans même me regarder, me fait signe au pouce levé que tout va bien. A contrario, son expression et la position de son corps me disent qu'il y a un imprévu. Mon inquiétude grimpe d'un cran. La conversation est animée, mais je n'en capte que des bribes. Ils ont dû échanger leurs prénoms alors qu'ils étaient au bar, car je l'entends l'appeler Sophia, alors qu'elle l'appelle Mike. Petit mensonge d'une rencontre d'un soir. Je ne crois pas que ce soit pure flatterie, s'il dit à Sophia qu'elle est aussi ravissante que cultivée. Il est sous le charme. Qui ne le serait ? Elle lui répond gentiment qu'elle s'attendait à tout sauf à le revoir ce soir. La foudre tombant à mes pieds ne m'aurait pas tétanisé davantage. Ils se connaissent donc. J'en avais eu l'intuition, mais on avait repoussé l'idée. Nathalie adore l'imprévu, les surprises et la plaisanterie, mais là, ce n'est pas possible. Elle n'aurait pas donné rendez-vous ce soir à un homme sans m'en parler. Et s'il l'avait fait, dans quel but ? Sauf que, je l'entends lui dire qu'elle estime avoir eu beaucoup de chance de le rencontrer, les gentlemen se faisant rares, en particulier dans les bars de nuit. L'échange se poursuit de plus en plus rapproché. Je comprends beaucoup mieux lorsque c'est Nathalie qui parle. La conversation se déroule en anglais et elle le parle sans cet accent nasillard auquel il est difficile d'échapper aux États-Unis, d'autant que nous sommes dans le sud. Ils cherchent manifestement, et je dois le reconnaître, avec beaucoup de délicatesse à la persuader de lui accorder un moment d'intimité. Et là, je comprends tout. Nathalie lui a pris les mains et lui répond gentiment qu'au Blue Velvet, elle s'est fixée pour règle de ne jamais accorder 2 fois ses faveurs à un même homme. Elle rajoute qu'elle se sait trop sentimentale et redoute de s'attacher, surtout, précise-t-elle, à quelqu'un d'aussi séduisant que lui. Bien que manifestement fort déçu, il a l'air sensible aux compliments. Ils se connaissaient donc, mais je viens seulement de comprendre que cette rencontre-là est totalement fortuite. Au-dessus du comptoir, la pendule lumineuse égrène le temps. Les minutes passent. Nat va-t-elle prendre congé ? Don Juan ne la tient pas quitte pour autant. Il est certain qu'elle ne pourrait manquer de cœur au point de lui refuser une danse. Joignant le geste à la parole, Mike se lève et invite Sophia, Nathalie. Elle lui sourit. Elle a une expression que je ne lui connais pas, sans doute celle de la Nathalie d'avant la rue d'Onou, lorsque son cœur était encore fermé. Telle qu'elle était assise tout à l'heure, elle ne pouvait me voir. Maintenant elle est là, debout, et me fait face pendant une fraction de seconde. Son cavalier lui tient la main, la guidant entre les tables. Il lui tourne le dos et ne peut ni la voir ni me voir. En cette fraction de seconde, c'est un torrent d'amour et de désir qui déferle sur moi. Les yeux de Nat plongent au fond des miens, ses lèvres forment un baiser, c'est comme si j'entendais sa voix dans ma tête. « Je t'aime !» Elle rejoint Mike sur la piste où il l'enlace étroitement. Elle a une façon de danser que je ne lui connaissais pas. Le ventre collé à son partenaire, les épaules en arrière, les 2 poignets croisés sur sa nuque. Un barbizon, Nat me serrait tout contre elle, mais dans ses bras et contre son cœur, beaucoup plus que contre son ventre, et puis sa tête était posée sur mon épaule, au creux de mon cou. Son corps et ses yeux me disaient « Je t'aime ». Là, plaquant son ventre au sien, le buste en arrière, son corps dit à l'homme « J'ai envie de toi ». Les cœurs s'ignorent, seuls les corps se parlent. Je vois leurs lèvres bouger. Elle sourit, mais secoue négativement la tête. Insisterait-il ? Elle lui répond et lève son index comme pour lui dire « Bon d'accord, mais juste une fois ». Mon cœur s'arrête. Viendra-t-elle accepter de… Non, ce n'était pas ce qu'il lui demandait. Je le comprends à l'instant où l'entraînant vers la périphérie de la piste, là où l'éclairage est le plus diffus. Il se penche sur elle et l'embrasse. Après de longues secondes, leur bouche se quitte. Elle rit et lui chuchote quelque chose à l'oreille. De nouveau, leurs lèvres se prennent. Le baiser se prolonge et ils tanguent sur place un long moment. De la taille, les mains de Mike ont quelque peu glissé. Il quitte la piste et Mike l'entraîne vers le bar, passant dans mon dos à me toucher. Subrepticement, au passage, Nat frôle mon cou et mes cheveux, mais quand je me retourne, elle est déjà au comptoir sur un tabouret. Mike s'incline. C'est le baise-main le plus désespéré qu'il m'était donné de voir. Puis il retourne s'asseoir, là même où il était lorsque je suis entré. Je ne vais tout de même pas me précipiter vers Nathalie. Ce serait un peu ridicule. Je m'astreins à compter lentement jusqu'à 20. Seigneur, Nathalie m'a prévenu. Si je me fais devancer par un autre, elle pourra difficilement se dérober. Je ne la quitte pas des yeux, prête à bondir. Elle ne me regarde même pas. 18, 19, 20. Le 20 résonne encore dans ma tête. Je suis déjà près du tabouret libre à côté d'elle. Je m'incline, lui demandant la permission de m'asseoir. Elle joue parfaitement son rôle. La femme que j'ai devant moi est la Nathalie célibataire du Blue Velvet. Sourire figé, regard peu chaleureux qui jauge le nouveau venu, mou boudeuse. Puis vient le sourire libérateur et les étincelles malicieuses dans les grands yeux bleus. Un geste délicat de la main pour me dire que je suis le bienvenu. À peine suis-je posé que le barman, tout sourire dehors, est déjà sur nous. Maintenant, j'en suis certain, il est payé à la commission. Nathalie demande une flûte de champagne. Je reste à la vodka orange, mieux vaut ne pas mélanger les poisons.